Ce soir, on parle de se développer dans la survie. On va définir ce que c'est se développer et on va définir ce que c'est de la survie. Du développement, version Ménard, c'est une capacité d'améliorer sa vie, simple de même. Et améliorer sa vie, ça veut dire trouver tous les moyens possibles pour éviter ce que les obstacles nous donnent qui pourraient nous placer en situation d'agressivité, de négativisme, de morosité, de sentiment que tout le monde ne t'aime pas, d'impression de rejet quasi constant. Donc, quand tu réussis à te défaire des démons qui te surgissent dans le cerveau pour te faire sentir que tu es trop sur la planète, bien, se développer, c'est toute la recherche d'un être pour éviter les trappes de l'autodestruction. Fait que vous dites, c'est quoi se développer? Bien, moi, quand je pense aider à développer quelqu'un, aider à se développer chez quelqu'un, mon seul et unique objectif, c'est de changer sa façon de penser pour qu'il ne regarde jamais la vie comme « je ne suis pas »,« les autres ne m'aiment pas »,« je ne serai jamais capable ». Tout ce qui donne un sentiment d'impuissance à l'être, là, tout ça, là, c'est ce qu'un être qui se développe s'attaque. Moi, je viens de m'acheter une guitare. C'est très facile quand je regarde mes mains. Et plutôt quand je les sens ou quand je m'accroche à l'escalier, c'est très facile pour moi de dire je ne suis pas capable. Très facile. Très, très facile. Puis quand je mets la guitare, puis j'ai déjà joué de la guitare quand j'étais jeune, quand j'avais les mains souples. Hein. Ceci dit, aujourd'hui, à 62 ans, franc, j'ai la sensation que je ne serai jamais capable. Mais si je me développe, donc si je me donne mentalement, la sensation que c'est un test que j'ai à passer, là, je rentre dans un processus positif devant un obstacle gigantesque qui est mon corps humain. C'est mon corps qui ne voudra pas. C'est facile de regarder les vidéos et de dire « le gars, il joue bien, puis il est en train de me le montrer ». Mais tu sais, c'est parce qu'une fois que tu arrives à prendre la guitare puis jouer dessus, puis t'arracher la corne au bout des doigts au bout d'une semaine, ça, c'est un autre party, ça, que je me souviens d'ailleurs. Hein? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que se développer, ça part du principe que tu es capable de toujours emmener un élément qui te fait avancer, donc qui devient nécessairement positif, devant des obstacles. Parce qu'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas d'obstacle. Donc, conséquemment, il faut des obstacles pour se développer. Et on a toujours. Il y a toujours quelque chose qui vient casser dans la maison ou qui ne marche pas dans tes relations amicales ou qui ne marche pas dans le couple ou qui ne marche pas dans le travail. Peu importe la façon dont l'obstacle va se présenter, il est là pour se présenter comme un obstacle. Moi, j'apprécie beaucoup le fait de dire aux gens, c'est pas un obstacle qui vous nuit, c'est un obstacle qui vous teste. Les gens ont de la misère à prendre ça comme un test. Mais si vous n'êtes pas capable de voir votre vie comme vous êtes testé, bien vous allez nécessairement être négatif. Et puis là, vous allez être vraiment désagréable à vivre pour votre environnement. En plus que les gens vont vous mettre dans une zone de rejet quelconque, ils vont en plus vous donner l'impression que vous ne pourrez plus jamais avoir d'amis, que vous allez perdre votre job, que vous allez perdre votre couple, que vous allez perdre n'importe quoi. Donc, c'est très important, le langage dans le développement. C'est comme un programme que vous avez d'un computer, et puis à un moment donné, il ne suffit plus parce que les tâches sont de plus en plus exigeantes, puis ça demande un peu plus de vélocité. Donc, on s'entend à dire que s'il faut que la programmation de votre plan de vie, il faut qu'elle se modifie, bien, là où vous ne pouvez rien changer, parce que quand on parle de destin, on parle d'une fatalité. Donc, ce qu'on ne peut pas changer, c'est l'obstacle qui va se présenter. Par contre, il vous reste une marge de manœuvre. C'est comment vous allez la penser, votre obstacle. Comment vous allez regarder ce qui se présente à vous. C'est vrai qu'il y a des situations que ça ne se règle pas tout seul. Donc, vous êtes obligé de régler avec d'autres personnes. Mais des fois, le test est là justement pour vous obliger à faire des alliances. Moi, quand je regarde le travail que j'ai à faire pour la guitare, j'ai besoin d'un professeur. Si je regarde le travail qu'il y a à faire pour vendre un livre, exemple, bien, il me faut un distributeur. Il y a beaucoup de choses qui m'arrêtent dans la vie parce qu'il me manque des éléments d'association. Donc, dans le développement, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et la personne qui a la prétention de dire « moi, j'ai besoin des autres », elle va avoir des obstacles insurmontables, donc elle va se sentir écrasée, diminuée, limitée, puis etc., etc. Donc, si vous dites « je suis testé », il faut que vous connaissiez tout de suite que vous avez un manque, une lacune qui doit être comblée. Et il y a des lacunes qui demandent à être parlées pour être identifiées, dans le sens que la lacune que vous avez, vous pouvez avoir du positive thinking, là, de la pensée positive, mais il demeure quand même que si vous avez une mauvaise identification de l'obstacle, vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'énergie à faire des choses qui seraient plus faciles à vous dégager si quelqu'un vous disait « regarde comme ça » ou « regarde telle, telle chose ». Moi, je regarde dans la guitare des gens qui m'ont juste présenté une façon qui travaillait. OK, c'est des professionnels, OK, c'est des gens, mais quand même, la façon qu'ils me le présentaient m'a enlevé l'impression d'impuissance. Tu sais, c'est beaucoup, là. Tu dis, hey, je ne suis jamais capable. Puis là, au bout d'une heure d'avoir écouté plusieurs YouTube, là, plusieurs vidéos, tu dis, ouais, ben, tu sais-tu que si je prends mon temps, ça va être faisable. Si je prends mon temps, ça veut dire que tout seul, je suis obligé de regarder tout seul un certain temps, telle chose. Parce que c'est sûr que si quelqu'un dit, ben écoute, moi je vais jouer la partie qui est difficile, puis toi tu fais juste le rythme, ben là, je n'avancerai pas. Fait qu'il n'y a plus de test, là. Mais c'est une façon de le régler pareil, tu sais. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'individu qui est dans une situation de développement est nécessairement dans une situation où il va être accaparé pendant du temps, on ne sait pas combien de temps, mais pendant du temps, l'obstacle peut présenter un niveau de risque à son impuissance, qui peut l'amener à des situations qui peuvent être mortelles. Il y a du temps que des fois vous n'avez pas parce que les événements se bousculent, et puis il faut que vous ayez une sorte de capacité de vous tasser l'ego pour laisser des gens vous aider ou laisser des gens vous surprendre à vous forcer à faire quelque chose pour vous sortir du pétrin. Je pense à un gars qui était pris d'une coulée de lave, là, qu'on a dit qu'il s'en est sorti à la dernière minute. Il reste quand même qu'à un moment donné, il y en a qu'eux autres ne s'en ont pas sorti, puis eux autres ont besoin, ils ont un obstacle, ils ont un test, mais il peut être fatal aussi. Donc, c'est bien important de comprendre que d'identifier les obstacles et d'avoir une approche qu'on qualifierait positive dans la mesure où vous êtes capable de voir ça comme un test et non pas comme un arrêt de vie, là, à ce moment-là, vous avez des chances de pouvoir vous développer. J'applique beaucoup sur le fait que se développer, c'est la seule façon, je dirais carrément, de réussir sa vie. Et que même dans réussir dans la vie, ça demande d'avoir beaucoup d'intelligence pour travailler avec les capacités des autres. De travailler. Quand vous faites un emprunt en passant, vous empruntez de l'argent que les gens ont placé. Donc, vous allez à une banque, ils disent « on va vous prêter ». Mais ce n'est pas le gérant de banque qui a ramassé cet argent-là. Là. C'est du monde qui dépose, qui veulent des intérêts. Et puis lui, ben, il faut qu'il fasse plus d'intérêts que les intérêts qu'il paye, sinon la banque fermerait. Fait que s'il vous donne du 3 % ben, il faut qu'il fasse au moins du 5 puis du 6 pour pouvoir faire vivre la banque. Donc, vous travaillez tout le temps avec l'énergie des autres pour vous développer. Puis vous autres, dans votre développement, vous aidez des gens à se développer. Fait qu'il y a comme une hiérarchie, là. Qui est-ce qui mange l'autre? Ou qu'est-ce qui consomme une influence ou une impression que l'autre crée. Des gens qui ont passé avant vous sont nécessairement des gens qui ont un meilleur capital que vous en termes de connaissances, en termes d'argent, en termes d'expérience. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est bon à avoir dans la vie. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à faire de la consultation pour écouter les problèmes des gens. Fait que j'ai un esprit de synthèse qui est plus large que n'importe qui ici dans la salle par rapport au couple, par rapport au travail, par rapport au projet, par rapport au rejet. Et puis, tous ces éléments-là, ben, vous en bénéficiez contre une capacité que j'ai de me faire vivre avec ça. Pas tout le monde qui est capable de parler et gagner sa vie avec ça. Là. C'est, louez-vous une salle, c'est à 250$, puis dites à du monde de venir vous voir, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Fait que, ce qu'on appelle la réputation. Fait que, donc, le développement, c'est un élément qui, normalement, devrait vous enrichir. Mais si ça ne vous enrichit pas dans le sens matériel du terme, ça vous enrichit au niveau d'une expérience, on va dire, de sagesse et de capacité de traiter avec des prises de conscience, des révélations dans la vie. Et ça, évidemment, ça bâtit l'individu et ça stabilise son environnement. Parce que quand vous développez de la certitude, parce que toute forme d'affrontement de l'obstacle vous oblige en quelque part à dire, hey, wow, là, c'est ici, ça arrête ou c'est ici, ça commence. Puis dans ce test-là, vous allez développer une certitude. Parce qu'il y a des choses, vous allez dire, ah, non, ça se fait comme ça, ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. Et à un certain moment donné, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, vous allez dire à quelqu'un, écoute, dans la vie, c'est ça que ça fait. Okay. Ça veut dire que si vous avez une expérience qui a été vécue pendant X temps, vous avez fait des prises de conscience, vous pouvez peut-être perdre le talent, comme moi j'ai perdu le talent sur la guitare, mais je vais le retrouver parce que j'ai une attitude positive. Je vois ça comme un développement. Je vois pas ça comme je vais jouer à Place des Arts l'année prochaine. Je sais pas si vous comprenez. Fait que si vous êtes capable de regarder l'obstacle comme étant quelque chose que vous devez vous en sortir et dans lequel vous n'avez pas de chance d'échapper à cet obstacle-là, ben là, ça devient pour vous comme une raison de vivre. Tout obstacle doit être traité avec une protection de votre goût de vivre. Donc, pour protéger votre goût de vivre, il faut que vous ayez une raison de vivre. Okay? Les gens qui s'empilent dans le négatif, ils se suicident. Pas toujours physiquement, mais ils se suicident moralement, émotionnellement, socialement. Et puis ça, inévitablement, ben, c'est comme... ils ont des grosses pentes à remonter. Puis la première chose qu'ils doivent faire, c'est de vouloir. Donc, s'électrifier pour décider de faire face à l'obstacle. Et quand quelqu'un plie d'un genou là, trop longtemps, c'est très... L'obstacle, on dirait que c'est une petite colline, puis à un moment donné, ça devient une falaise. Le temps qu'on prend à ne pas faire face à l'obstacle, ça passe d'une petite colline à une falaise. Puis il y a des falaises, des fois, là, tu sais, je sais pas comment ils font, les alpinistes, là, mais tu sais, ils montent quasiment de reculons, là. Ouais, c'est du surplomb, hein, c'est ça. Ils sont obligés de mettre des vis dans le roc, puis ah ouais, donc, on y va. Merveilleux, fantastique. Et eux autres, ils ont réellement appris à vivre avec ce qu'on appelle l'obstacle. Mais il faut quand même que tu aies une attitude positive dans le sens de dire, je suis capable. Et ça, ça m'amène à parler de l'autre élément qui est bien important. C'est quoi la survie? Parce que si on dit se développer dans la survie, là, j'ai fait un premier volet qui s'appelle se développer, que je pense qui est assez clair. Et puis la survie. Qu'est-ce que c'est la survie? La survie, c'est ce que la vie exige dans votre plan de vie, dans votre programmation d'âme. C'est ce qu'elle exige, j'applique beaucoup sur le fait, elle exige que vous soyez utile à vous-même et à votre environnement. Parce que si vous n'êtes pas utile à votre environnement, vous ne valez rien à l'échange. Et on sait qu'une monnaie qui ne vaut rien, il en faut beaucoup, beaucoup pour avoir une pièce US, dans le sens de la pièce qui devient l'élément directeur dans une société. En d'autres termes, si vous valez rien, vous ne pouvez pas demander des gros salaires. Vous pouvez demander le minimum. Un salaire minimum, ça varie d'une année à l'autre, ça varie selon le pays. Il y a des gens qui travaillent pour 3 pièces par mois. Vous autres, 3 pièces de l'heure, vous ne l'accepteriez même pas. Il y a donc des endroits dans sa planète qui sont beaucoup plus en survie que vous autres et ils ne meurent pas. Et ça s'appelle, on jeûne souvent, ça là. Ta petite poignée de riz, ta petite banane que tu trouves dans un arbre, c'est ta semaine qui est là-dedans. 3 pièces par jour, puis 3 pièces par mois, puis 3 pièces par jour, c'est des pays en voie de développement, là. Parce qu'il y en a que c'est 3 pièces par mois. Puis ils font vivre une famille avec ça. Fait qu'il faut bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien comprendre que la notion de survie est relationnelle. Quand vous dormez le soir, que vous dormez, vous n'êtes plus en survie. Parce que vous ne pensez plus à la survie. Donc, la survie, c'est un état d'âme. Et une pensée. Pensée qui est mesurée par la mémoire. Vous êtes en survie à cause de votre mémoire. Si à tous les matins, quand vous leviez, vous auriez une lobotomie garantie, là. Comme les Alzheimer. T'sais, genre, tu te souviens de rien, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni de la semaine passée, ni de l'année passée. Vous ne vivriez pas de survie. vous vivrez, vous auriez à vivre la surprise de toutes les amnésiques, là, la surprise de voir que ça se passe comme ça. Puis vous diriez, ah, on est obligé de faire ça, là, on est obligé de faire ci, je suis obligé de décider avec l'autre. Vous découvririez que votre mémoire est plus un obstacle que le futur. Vous avez donc une situation de survie qui est toujours relationnelle. À moins, évidemment, d'être malade, puis là, c'est votre corps qui souffre. Puis votre corps qui souffre, il est toujours dans une position relationnelle, parce que si vous souffrez dans votre corps, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il s'en occupe. Fait que vous êtes autant en survie que si vous êtes en train de vous étouffer, que quelqu'un peut vous aider en vous donnant une bonne tape dans le dos pour que le morceau sorte, le bacon, entre autres. C'est dangereux, un déjeuner. Là. Si la survie est relationnelle, ça veut dire que c'est la relationnelle qui peut vous sortir de la survie ou qui peut vous mettre en situation de survie. Comment on peut mettre quelqu'un en situation de survie? En le niant. Vous voulez sortir de la survie, là, le basic de la survie, éliminez dans votre vie tous ceux qui ne vous reconnaissent pas. Vous allez dire, ouais, c'est pas un chèque de paye, ça, là? Non. Le chèque de paye s'en vient après. C'est dur d'aller chercher un chèque de paye quand des gens que tu aimes te regardent comme si tu étais du poisson pourri. Très dur. Très, très dur. C'est dur pour un enfant de se développer quand il n'est pas regardé par ses parents. Qu'à chaque fois qu'il fait un bon coup, son père dit, ouais, tu pourrais faire mieux que ça. C'est dur. Ça met l'enfant en survie, ça. Tu peux détruire un être à ne pas le regarder. Tu peux détruire un être à ne pas l'écouter. 90% de mon travail que j'ai fait pendant 40 ans, c'est d'écouter les autres. Pas de parler par-dessus eux autres. D'écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils écoutent quand j'y parle? Faut-tu l'écoutes pour savoir ce qu'ils t'écoutent? Ils t'écoutent, OK. Mais faut que tu écoutes ce qu'ils écoutent. Ils entendent quoi quand tu y parles? Pourquoi tu crierais après? Moi, je crie après quelqu'un parce que je sais qu'il est à la veille de débloquer. Mais jamais je crie après quelqu'un que je sais qu'il est bloqué puis que même si j'en rajoute, il va rester bloqué. Faut t'écouter. Comment tu peux chialer, critiquer quelqu'un quand tu ne l'écoutes pas? Hein? Les parents, là, que c'est juste mettre leurs idées dans la tête de l'enfant, là, parce qu'on dirait qu'ils prennent la priori que l'enfant, c'est un imbécile. Comment tu veux qu'il se développe, cet enfant-là? Moi, j'ai éduqué mon gars à le regarder faire ce qu'il aimait. C'est ça que t'aimes? OK. Dis-moi comment ça coûte, on va y aller. Je l'ai poussé toute ma vie à faire ce qu'il aimait faire. Je l'ai écouté dans ses réactions physiques. La survie, c'est bien lié au relationnel. C'est bien, bien lié au relationnel. Quand tu as de l'aide, quand tu as de la chance, à un moment donné, dans ta vie, d'avoir une confiance. Moi, où j'ai le plus haï mon père, c'est de ne pas m'avoir fait confiance avant que je fasse les choses. Il me faisait confiance après que j'ai fait les choses. Lui, quand j'étais un bon astrologue pour lui parce que je faisais 60 000 $ de salaire. C'est pas là, fallait que tu me bacques, bonhomme, là. C'était de dire, puis où tu en es rendu avec tes affaires, là, tu sais, quand j'avais 17, 18, 19 ans. Non. Lui, c'est, tu ne réussiras pas dans la vie à faire ça. Mais là, quand je suis arrivé, j'ai cassé les reins parce que là, j'étais capable de lui montrer mes rapports d'impôts. Là, il a dit, ouais, t'es bon, franchement, là. T'es le meilleur vendeur dans la maison, toi, là. Fait que tu vends rien, t'es payé pour. T'es au bout, faut le faire. Tu sais, le gars, il part, il n'y a rien, absolument rien. Et là, j'ai dit, moi, il donnait au moins une cassette, c'est ce que j'ai dit. Chris, tu ne viendras plus de rien. Que tout ça pour vous dire qu'en travaillant mon relationnel, puis avec de la confiance, si la personne travaille son relationnel, puis qu'elle a un certain. Tout le monde a du talent dans quelque chose, puis que ce talent-là, il est appuyé, hey, il fait des miracles. Il vous faut ça. Sinon, vous êtes en situation de survie. Puis la survie, ça s'attaque à bien des éléments, là. En premier, c'est l'affectif. Tu sais, jeune, quand je l'ai aidé, moi, là, jeune, là, son père et sa mère se divorcent, mais le père, il reste au bac. La mère continue de vivre sa vie. Lui, il voit que le père, il continue de parler à sa mère. Donc, c'est pas si grave que ça. Ils vont-ils revenir? J'ai dit, regarde ça dans le temps, mon grand, on verra. Là, pour l'instant, j'ai pas bien le goût. Fait que, au niveau affectif, il était padé. Comment dire? Maman n'est pas là. Mais papa est là tout le temps. Puis quand papa n'est pas là, il trouve tout le temps le moyen de que je sois occupé avec quelqu'un. Il n'est pas tout seul. Fait que si vous avez l'affectif qui est débalancé, jeune, vous êtes en situation de survie. Vous ne ferez jamais assez d'argent pour vous rebalancer. Il vous faut plus que de l'argent. Puis il y a évidemment la finance. Mais regardez, affectif, hein? Tu sais, c'est affectif, c'est relationnel en passant. Là. On vous aime. C'est ça que vous cherchez. On vous aime. Vous voulez être aimé. Puis l'autre, c'est l'argent. Et l'argent, essaye donc de faire de l'argent, toi, là, à part d'en imprimer, là. C'est encore, il faut que tu ailles la chercher, l'argent. Il faut que tu fasses quelque chose pour quelqu'un pour qu'il te donne une paye. Fait que c'est encore relationnel. Là, vous dites, qu'est-ce qui reste? Le mental. Comment tu lis la vie? Tu sais, si tu as une base qui est négative, tu tombes malade là-dedans. Là. C'est une base mentale qui est tout. Puis tu as une démarche physique, puis tu as. Tu sais, moi, j'avais des profs qui me disaient, « Hey, Ménard, là, tiens-toi droite! » Tiens-toi droite. Je peux-tu être plus droite que ça? Pas pire, 62 ans, j'ai pas l'air de même. Tu sais, droite. Le gars, là, quand ça a bien été avec sa blonde, on s'entend qu'il est droite. Il est droite de partout, tu sais. Puis la fille, elle marche, tu sais, puis je te dis que ça se promène, elle tasse à dos, à droite, là, oui, donc. Mental. Pas les hormones, là, le mental. Les hormones, ça vient après le mental. De toute façon, tu as du fun au lit à cause du mental. Tu oublies tout, tout d'un coup. Ça va bien, là, dans ce temps-là. Pourquoi les gens se paquent un petit peu? Pourquoi? On va le mental. On relâche. Ah, je sais. À la guitare, on va boire un coup avant. On va être plus lousse sur le manche. Yeah. On se détarde, tu sais. Même quand je fais ça, je me sens des crampes dans le dos. Là. Bon, bien. Le mental, l'argent et l'affectif, tu règles ça, tu règles la survie. Pourquoi? Parce que avec le mental, tu comprends ceux qui peuvent te rejeter. Avec l'affectif, tu peux donner confiance à quelqu'un, parce que la confiance, ce n'est pas des idées en passant. Hein? Tu ne donnes pas confiance à donner... tu donnes 500$ à quelqu'un, ça ne lui donne pas de la confiance. Ça. C'est de la présence. L'affectif, là, tu reçois de la présence, là, t'es... Moi, quand je suis en consultation, j'essaie d'être le plus présent possible à la personne pour que quand elle raconte son affaire, ça soit important. Hein? Quand c'est grave, là, on en met de l'accent sur la gravité. Ah oui, on ne t'aime pas à l'école, Chris, on va y aller, viens-t'en. Ah ben non, pour faire ça, hey, je vais me faire sortir. On va te faire sortir. Il faut que ça sorte, le problème. Si toi, tu ne sors pas, il faut que ça sorte de ta tête. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'on y aille, qu'il te sorte. Ou que tu sortes ça de ta tête. Qu'est-ce qui est le plus facile? Ah, c'est dur dans la tête. Bon, viens, t'enlève-toi, on va y aller. Non, non, non, non, non, non. OK, bien, sors-le dans quelque part, là, parce que si tu ne chies pas en quelque part, tu vas avoir des gros problèmes d'intestin. Fait que l'affectif, c'est beaucoup de présence, beaucoup de temps passé avec. Tu n'es pas capable de le donner, sors de là. Laisse pas d'espoir à l'autre. Il faut qu'il le trouve ailleurs. Bien important qu'il puisse le trouver ailleurs. L'argent, c'est sûr qu'il en faut pour échanger avec l'environnement pour avoir quelque chose de matériel. Parce que l'affectif, ça va toucher ton corps, ça va toucher surtout ton plexus, ça va te mettre dans une ambiance. Et l'argent, c'est ce qui va te permettre d'acheter une auto, qui va t'acheter une maison, un loyer, peu importe, et puis tu vas pouvoir te véhiculer. Donc l'argent est aussi important que l'affectif. Il n'est pas plus, mais il est aussi important que l'affectif. Ce qui est le plus important que l'affectif et l'argent, c'est le mental. Parce qu'avec le mental, c'est là que tu gardes ta cohérence. Si tu tombes dans un chaos au niveau mental, tu aurais beau avoir de l'affectif à la tonne, de l'argent. Mettons, tu prends ma main qui était Alzheimer, elle avait de l'argent en masse, elle avait de l'effectif. Fuck, il n'y a jamais tant eu de monde pour s'occuper d'elle que quand tu étais à l'hôpital. Mais il manquait la cohérence mentale. Okay, tout ça. Quand une personne commence à perdre la cohérence, il n'y a plus rien, ni argent, ni effectif qui va balancer ça. Ça ici, c'est la recette ultime pour se sortir de la survie, c'est d'être cohérent au niveau mental. Cohérent au niveau mental, conduire une auto, peu importe qui ou comment tu es, parce que même des alcooliques sont capables de prendre le volant, ils se rendent chez eux en tout cas. Tant que tu es capable d'être cohérent, tu es capable de conduire les choses, conduire ta vie. Peut-être pas conduire les autres, mais tu es capable de conduire. Fait que tu es placé dans un mouvement qui te demande une concentration minimum pour pouvoir que la chose se fasse, on va dire, adéquatement. Je peux pas dire parfaitement, mais adéquatement. Donc, tu es malade, on dit tu vas retourner chez vous dans 2 jours, puis c'est une grosse opération, tu dis comment je vais faire tout seul. Il faut à ce moment-là que ton mental soit capable de s'organiser, de demander de l'aide ou de faire quoi que ce soit qui va permettre à ce que l'argent que tu as ou l'effectif que tu disposes puisse réellement s'imbriquer dans ton organisation, ta cohérence mentale. Tu perds ta cohérence, tu es fait à l'os. Là, c'est le chaos, puis le chaos, puis le chaos. Là, tu vas commencer à déranger tout le monde, donc tout le monde ne voudra plus t'aider. Puis, à un moment donné, tu vas brûler toutes tes ressources financières, puis ça va être le fuck bordel. Garantie, argent jamais remis. Donc, si vous êtes en situation de survie, dites-vous bien que c'est en quelque part une zone de dépendance aux structures qui vous entourent. La survie, ça commence là. Quand quelqu'un cherche à se faire prendre en charge par les structures à l'extrême, les structures vont toujours te traiter comme un esclave, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on n'est pas dans une société où on aime s'il n'y a pas d'échange. N'oubliez jamais ça. Je suis utile pour vous autres, il y a du monde ici. Je ne suis pas utile pour des milliers de personnes, ils ne sont pas ici. Donc, il y a un problème d'organisation mentale. Comprenez-vous? C'est suffisant, mais ça ne déborde pas. Donc, ça me tient à survie. Et souvent, la survie s'impose dans votre vie pour que vous ayez un développement dans le mental. Parce que là, tout le monde sait qu'il y a des forces divines qui vous demandent de deviner ce qui s'en vient. OK? Et puis, ces forces-là veulent que vous ayez confiance dans votre futur. Et si vous n'avez plus de futur dans cette vie-ci, que vous ayez confiance dans votre futur vie postérieure. T'en dis plein de cul. Et que une vie postérieure, pas une vie antérieure, elle est déjà passée, celle-là. Mais c'est pour ça qu'on dit on a une vie intérieure, puis on a une vie de postérieure. Il faut que votre mental, toujours, réussisse à faire sonner les cloches à la bonne place pour vous dire, bien, écoute, c'est pas grave, tu vas mourir, mais il y a une autre vie qui s'en vient, ça va être mieux. Mieux. En autant que vous m'éliminiez ça, la sphère, c'est nous autres qui mettons. Ah, là, c'est pas drôle, d'abord. Donc, votre mental, il faut qu'il soit suffisamment structuré dans cette vie-ci pour être capable de faire face à l'ultime chaos pour l'ego, qui est la mort. Fait que si, dans votre vie, vous avez été capable d'affronter la mort sur des terrains dangereux, je pense à Gilles, l'exemple qui grimpe dans les arbres, ça paraît pas, mais 150 pieds dans les arbres, t'es pas assis à un bol de toilette, là, ça dit que ça demande une concentration, ça demande pas un relâchement. Okay. Fait que, à moins qu'un gars veuille vraiment s'étendre au bout d'une corde, et ça risque d'être souffrant, bien, il faut qu'il y ait le mental structuré. Fait que, c'est sûr que plus une personne prend des risques dans la vie, plus son mental, il faut qu'il soit cohérent. Et je vous dirais que dans la vie, quand vous prenez des risques qui sont dangereux pour votre vie, on parle de conduire une auto sur la glace, faire face à de la brume ou faire face à toutes sortes de situations qui sont réellement dangereuses, ça demande de travailler une cohérence. C'est comme un muscle, la cohérence. Quand on fait ça, ça fait ça. Puis quand on fait pas ça, ça donne ça. Tu sais, il y a tout un rapport de comparaison d'un événement à un autre. Et puis le mental, bien, il se développe dans la subtilité. Il y a des choses qui sont évidentes, style tu passes une scie, c'est un arbre, l'abdon, mais il y a des choses qui peuvent devenir aussi subtiles qu'aujourd'hui, tu es mieux de ne pas couper l'arbre parce que tu vas te blesser. Oui, mais j'en ai coupé 250 depuis un mois. Pourquoi qu'aujourd'hui, spécifiquement, je suis en danger? Il y a quelque chose. Tu t'es chicané avec ta blonde, tu as reçu un chèque de l'impôt puis c'était pas le bon montant, tout ça, là. Puis j'ai perdu le goût de rester couché le matin. Puis tout ça, ça devient des éléments d'influence mentale qui sont subtils. Et c'est là-dedans que l'individu perfectionne son développement et se sort de la survie. Parce que la survie, ultimement, c'est tout géré par vos rêves. Imaginez. Comment tu rêves ta nuit, c'est comment va se passer ta journée. Donc, si tout se programme sur des plans subtils, avant de s'exposer dans une forme matérielle. Il faut s'entendre que là, c'est réellement avoir le mental qui est extrêmement perspicace à toutes sortes de zones d'influence qu'on appelle, dans notre langage, des vibrations. C'est une vibration qui conditionne votre vie. Vous rentrez dans un endroit, vous êtes bien, vous allez dans un autre, puis si vous êtes toujours la même personne que vous étiez il y a trois quarts d'heure, une heure, et là, non, vous avez un malaise. Je ne me sens pas bien ici, qu'est-ce qui se passe, donc? Puis vous ne savez pas qu'il va y avoir un meurtre dans 15 minutes. Ce n'est pas vous la victime, mais c'est traumatisant pareil. Bon, là, je pousse fort parce que ce n'est pas des affaires qui arrivent assez fréquemment, mais il reste quand même que c'est la vibration qui conditionne vos vies, qui vous dirige dans vos achats, puis qui vous dirige dans vos pertes, puis qui vous dirige aussi dans vos relations, dans tout le relationnel que vous avez, toutes les relations avec les gens que vous avez. Et ça, cette vibration-là, c'est l'ultime défi du mental et demande nécessairement que l'argent supporte ce développement-là et que l'affectif supporte ce développement-là. Donc, une personne qui sait comment traiter avec sa vie affective et avec la structure nécessaire qu'il faut qu'il ait pour se donner une finance et une vie matérielle balancée, bien, son mental, généralement, l'a guidé, l'a permis d'avoir une lecture, puis une, on va dire ça de même, là, une volonté d'action qui le garde en équilibre. Mais son équilibre est toujours temporaire. Comme les problèmes sont toujours temporaires, l'équilibre est toujours temporaire. Fait que vous avez des moments où il pleut, il y a des moments où il fait soleil, puis quand il a fait soleil, bien, il ne fera pas soleil indéfiniment. Il va pleuvoir, il va neiger, puis il va faire beau. Fait qu'il faut savoir gérer ces mouvements cycliques de difficultés et de facilités jusqu'à temps que vous soyez capable au niveau mental de dire, bon, ben là, il ne faut pas s'inquiéter, là, ça va aller de même. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va se passer comme ça. Puis quelqu'un qui ne réussit pas à développer son mental pour pouvoir être capable de jouer avec les mouvements cycliques de la vie, c'est un être qui est en état de survie permanent parce qu'il ne voit pas. La recette dans la vie pour ne pas souffrir d'une difficulté, d'un obstacle, c'est de voir. Bien plus dur de conduire dans la brume que de conduire en plein soleil en été. Encore là, c'était le soleil d'en face, c'est pas évident. Mais ce que je veux faire comprendre essentiellement, c'est qu'une vision claire, c'est toujours un avantage. Tandis que la personne, que c'est brumeux, ça veut dire pour moi du doute, quelqu'un qui est dans le doute, qui s'affirme tout le temps avec un peut-être, qui n'a jamais rien de garanti quand elle donne sa parole, c'est évident que cette personne-là, elle se place à être en situation de crise. J'ai vu des gens réussir leur vie avec un produit, un service. Ils ont réussi, lui, à faire des choses qu'ils étaient sûrs de faire. Juste d'être sûr. Il n'était pas sûr dans d'autres affaires, mais dans d'autres affaires, il faisait faire. Il disait, moi non, moi je suis professionnel là-dedans, moi je suis bon dans les planchers. Donc, une personne, disons, qui sait faire quelque chose et qui le fait correctement, puis qui développe une expertise dedans, et qui dit, moi je ne veux pas toucher à d'autres choses parce que l'expertise de l'autre, c'est ce qui me garantit que ça va être bien fait. Bien, s'il est un expert, il a tendance à chercher des experts. Puis s'il veut se développer, bien, il ne pense pas qu'il va être un expert en commençant. Il sait le temps que ça prend d'être un expert. Fait qu'il va regarder dans son expertise ce qui est échangeable, puis dans son apprentissage, ce qu'il ne peut pas échanger ou il ne peut pas donner une valeur parce qu'il ne consacre pas sa vie à ça. Donc, la gestion dans le mental de l'argent, la gestion dans le mental de l'affectif, l'affectif, c'est pas ça qui peut gérer le mental. Tu ne peux pas y aller, c'est un coup de cœur tout le temps, ça va te planter d'aplomb. Fait que le mental donne une capacité de lire. Et la lecture doit passer avant l'affectif. Exemple. Quand je disais tout à l'heure, personne qui parle bien, indépendamment de l'affaire de la conscience, puis les forces me parlent, puis ces choses-là, personne qui parle bien, c'est une personne qui a d'abord écouté. Avant tout, elle a écouté. Sinon, elle va développer un muscle de parler, puis elle va répéter des choses qu'elle a entendues, sans savoir si c'est à point avec les personnes qui l'écoutent. Fait qu'une personne qui ne sait pas écouter, ne sait pas parler, mais peut parler bien. Vous pouvez, j'ai des gens, moi j'ai écouté des avocats, ça parle bien, mais ça n'écoute pas. C'est le pire des avocats. Il va te mettre dans la dèche, là, c'est hallucinant. Mais si l'avocat, exemple, qui est bon dans la, la traduction des termes de loi, puis des textes, puis ces choses-là, il est capable de voir quelle position que le juge prend par rapport à la cause, il va au moins savoir qu'il est appuyé ou il n'est pas appuyé dans son discours. Mais s'il ne lit pas ça, puis qu'il fait juste pavaner dans son langage, qu'il sait maîtriser bien, il va quand même perdre son procès, parce qu'il ne sait pas lire. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que pour qu'un mental soit affranchi de l'émotionnel et de l'argent, qui est un peu comme la manipulation de la forme, il faut absolument qu'il y ait une extraordinaire sens d'observation de la vie. Vous conduisez bien une auto quand vous savez lire la route, et ce n'est pas la route qui vous fait bien conduire, c'est votre observation de la route qui vous fait bien conduire. Moi, quand j'arrive à Saint-Colomban, on a eu des rafales de vent, puis ça a fait de la boue, de la boue de neige avec du calcium. Là, ça a gelé. Et là, je l'ai identifié. La première fois, j'étais à assez haute vitesse dans ça, puis je te dis que j'ai une traction arrière, puis je n'ai pas trouvé ça drôle. Et là, quand j'arrive là, je réduis ma vitesse, puis le gars en arrière est obligé de la réduire. Lui, il ne comprend pas, mais moi, je le sens maudit que je ne veux pas rentrer là-dedans à haute vitesse. Avec l'autre, je m'en fous qu'il. Je m'en contrefous. Affectivement, ça ne me dérange pas qu'il soit à klaxonner. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mon mental gère la situation. Donc, il s'occupe de lire et d'agir en fonction de ce qu'il lit et non pas en fonction des émotions de l'autre. Les émotions de l'autre, là, t'arranges avec tes émotions. Fait que ce que je vous fais comprendre, c'est que le mental dominer votre émotif tout le temps, tout le temps. Et avoir éventuellement. Surtout quand vous êtes dans la gestion de l'argent, une conscience d'une construction qui va vous permettre de supporter le temps. Ce que vous construisez dans la vie, c'est du temps que vous gagnez. J'avais un ami qui me disait, j'ai eu un profit de 10 000. Ah ouais, c'est bon ça? Il dit oui, mais il dit, ça me donne juste 2 mois. Mes frais fixes sont 5 000 par mois. Avec les 10 000 que j'ai là, j'ai 2 mois. J'ai 2 mois pour faire de l'argent pour me faire gagner du temps. Lui, il ne regardait jamais comme j'ai fait 10 000. Non, j'ai gagné du temps. Je l'ai retenu, celle-là. L'ingénieur, le gars, bien brillant. Fait que l'argent, pour lui, c'était un moyen d'avoir du temps pour construire de plus en plus. Moi, j'ai compris que ça, le temps et l'argent, c'était la même chose. Que d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du temps entre les mains. Et que si tu ne sais pas travailler avec le temps, c'est parce que tu ne sais pas travailler avec l'argent. Puis si tu sais travailler avec l'argent, tu vas nécessairement toujours être capable de mesurer bien dans le temps tes capacités d'agir, tes capacités de faire. Parce que faire, ça exige du concret. Et pour faire du concret, il ne faut pas que tu te fies sur le concret de l'autre, parce que l'autre peut, à un moment donné, te tirer la couverte en dessous des pieds. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce temps-là pour lui. Ou pour elle, peu importe si c'est une femme ou un homme. Fait que si il gère son capital, il faut toujours qu'il ait conscience du temps qu'il peut réussir à. Comprenez-vous? Sinon, ce temps-là, il va y coûter de l'argent. La preuve, les intérêts. Quand vous allez faire du prêt à quelqu'un, vous voulez un salaire. Votre salaire, c'est les intérêts. Et l'autre vous demande du 14, 15, 16, 20 % les cartes de crédit, entre autres. 29 %, j'en ai déjà payé jusque ça. Fait que vous savez qu'à 25-30 % d'intérêt par année, il faut que dans le temps, vous régliez votre dette le plus vite possible. Sans ça va vous bouffer tout rond. Un prêt de 10 % en 5 ans, ça a doublé votre dette. Fait que la personne doit savoir ça, que ça soit rentré dans la tête. Moi, je disais à mon gars, quand je l'éduquais, j'ai dit, du crédit, mon grand, c'est une occasion d'en faire plus que le taux d'intérêt qu'il te charge. Fait que si on te charge à 12 % d'intérêt, et puis tu fais tourner ton capital 5-6 fois dans l'année, qui va te rapporter un 15 % chaque fois que tu vas vendre, tu es en avant. Mais si tu empruntes pour payer ton épicerie, ça ne va pas bien ton affaire. C'est très dangereux de jouer avec ça, parce que là, tu manges ton capital. Je dis, rentre-toi dans la tête parce que je n'ai pas besoin de te le répéter 45 fois. La vie va s'occuper de te le faire voir. Donc, la personne qui a géré de l'affectif, faut qu'aussi elle gère de l'argent. Parce que l'affectif, ça aspire la finance. Tu sais, quand on dit, ah, j'ai un coup de cœur pour telle affaire, moi, dans ma tête, ça veut dire, tu as toujours payé trop cher. Dès que tu aimes quelque chose, tu vas payer trop cher. Je viens d'acheter une guitare, je vends une carabine. La guitare coûte 7,70 $. L'autre, la carabine, je la vends 600. J'ai payé combien, ma carabine? C'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'elle remplace. Tu sais? Et tu vas dire, ouais, mais elle vaut plus que ça, tu l'as payé 1 200. Oui, je sais, mais j'ai fait 2 000 avec, en travaillant avec. Mais il dit, la guitare, tu ne feras pas d'argent. C'est pas encore. Mais pour l'instant, si elle me garde à la maison puis que ça me coûte 15 $ de gaz par jour, puis que je sauve 15 $, à la fin de l'année, ça va être rentable. Comment je veux dire? Il y a bien des façons de calculer. Tu sais, j'étais au casino, j'ai perdu 360. Mais t'as passé combien d'heures? 55 heures. 6 $ de l'heure. Ça coûte plus cher que ça, aller voir un film d'1 heure. Ça coûte 12 $, 11 $. C'est pas si cher que ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est toujours une question de lecture. Fait que si vous êtes capable d'avoir une lecture qui permet à votre effectif de se vibrer, et puis qui vous permet de gérer votre argent pour jamais vous ramasser dans une situation de perte, ben là, ça va bien votre affaire. Mais si vous avez un mental qui dérape, puis que vous avez un affectif qui dérape, l'argent, c'est sûr qu'elle va passer au cash, je peux le dire, parce que l'affectif aspire l'argent. Tu es en amour, ça coûte de l'argent. On va-tu en vacances? À deux, c'est toujours plus cher. Bizarre, ça coûte 2 fois plus cher. En amour, ça pompe l'argent, tout le temps. Là, tu dis, ouais, mais c'est un placement, là. On va bâtir avec ça. Non, non, non, non, non. Tu vas bâtir avec ton mental. Tu ne bâtiras pas avec ton affectif. Ton affectif, c'est les vacances. Ton mental, c'est ta construction. Si tu n'es pas mental dans un rapport de couple, tu es fait, hein? Parce qu'en quelque part, tu vas être vidé de ton cash, puis tu vas être tanné de l'autre. Parce que tu vas dire à l'autre, ouais, bien, tout ce que tu veux, c'est du fun, mais on ne bâtit rien ensemble. Comprenez-vous, vous voulez? Bon, vous laissez poser des questions pour le dernier 20 minutes, là. Je closerai après. C'est des questions? C'est-tu cohérent? C'est-tu choquant? Eh bien, ça veut dire que vous êtes assez menteur. Mais pas menteur. Ah, je ne sais pas. Tu parles pour toi? Oui, c'est ça. T'es bien. Tantôt, tu disais, là, des fois, je ne sais pas c'était à propos de quel sujet, mais qu'il y avait un moment donné, on disait, ben là, il y a un début, puis pour mettre une fin à quelque chose, là. Bien, la fin, c'est. Ce qui est une fin dans tout mouvement de vie, c'est une fin. Moi, je dis quelqu'un a intégré quand il ne doute plus. Quand tu ne doutes plus de ce que tu fais. Moi, je ne doute pas d'être un professionnel de la parole. Je ne doute pas. Je ne suis pas un professionnel du jeu de guitare, je ne suis pas un professionnel en musique, mais dans la parole, je suis un professionnel. Je ne doute pas. Il n'y a personne qui peut me remettre en doute. Parce que je sais traiter avec la vérité et la réalité. Puis sachant jouer avec ces deux mondes-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont verbeuses avec de la vérité, mais quand ils tombent dans la réalité, ils n'ont tellement pas d'écoute que tout ce qu'ils peuvent avoir comme du blabla, là, le seul blabla qu'ils ont, c'est la vérité. Fait qu'ils vont raconter, ils vont répéter de l'information. Tandis que quand tu es professionnel de la parole, tu es réel. Dans le sens que tu parles au niveau de la personne qui t'écoute. Non, mais tu sais. C'est où la fin? Mais c'est la fin, c'est dans n'importe quelle expérience, tu as de la certitude. On peut dire que ta conduite, il y a. Dépendant du véhicule que tu as entre les mains, c'est comme elle, l'exemple en s'achetant un 350Z, c'est bien évident qu'elle recommence un peu à s'y conduire. Mais là, tu as une bombe entre les mains, là. Tu sais, c'est dangereux pour l'étiquette. Fait que ça fait que tu retombes un petit peu comme pas à zéro, mais tu reviens un petit peu comme en arrière parce que là, faut que tu apprennes à conduire d'une autre façon, à rétablir ton équilibre dans ta perception visuelle du chemin. T'sais. Tu roules à 200, là, écoute bien, là, c'est pas pareil comme rouler à 100, ça, là. Il y a une différence là, dans le visuel. Là. Quand tu mets les breaks, il faut que tu y penses longtemps d'avance. Fait que, elle va avoir fini avec son Z quand elle va vivre une certitude. Elle peut avoir la certitude qu'elle va bien jusqu'à 100, mais c'est un char qui va beaucoup plus vite que ça. C'est pas avec qui tu es sûr, c'est es-tu sûr? Moi, je ne suis pas sûr parce que j'étais avec du monde. X. J'aurais beau avoir l'opposition que tu veux. Il faut que je sois sûr pour moi, en moi, envers et contre tous. Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de condition à une certitude. Une certitude, c'est complet. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'intégration. Tu dis que si l'affectif, c'est le mental qui gère et l'affectif et l'argent. Est-ce que je me trompe? C'est ce que j'ai dit, oui. OK. On peut demander au monde. Si, mettons, tu perds tout ton argent, je ne peux pas parler de moi, là, mais mettons que tu perds ton argent, mais est-ce que ça veut dire que ton mental, il n'est pas freiné, il y a quelque chose qui ne marche pas? Moi, je vais te dire une chose. J'ai manqué d'argent pas mal plus souvent que toi. OK? Beaucoup plus souvent que toi. Où on me demandait de travailler ou d'aider les gens à sortir du trou. Et je manquais de ce qu'il manquait. Et c'est mon mental qui gérait ma situation et leur situation. C'est arrivé très souvent que dans des situations où des couples étaient en train de péter, puis que le mien aussi était en train de sauter, pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement pareilles, là, mais j'aidais les deux. Ça veut dire que le mental peut passer à travers d'à peu près tout. Je ne peux pas dire de tout. C'est parce que j'ai vu Bernard mourir, même mental. Mais c'est impressionnant de voir un gars faire une conférence avec le cancer de l'intestin jusqu'au bout. Jusqu'à une semaine avant de mourir, là, on s'entend que c'est assez impressionnant. Il fallait vraiment qu'il soit mental pour gérer de la souffrance comme ça. Okay. Ça donne-tu une réponse à ta question? Parce que toi, tu essaies toujours de faire mettre l'affectif comme plus important que tout au monde. Mais je vais t'avoir à l'usure, ma grande. Pardon? C'est correct, je comprends, que c'est le mental. Essaye de le voir, peu importe l'affection que tu le vois. Si ton mental, si tu perds ta cohérence dans ton mental, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est ça, ma raison? Oui. Puis l'affectif, ça peut être dans un bordel d'enfer. Puis si ton mental est à flou, il n'y a pas de trouble. C'est bon. L'argent, l'affectif, je mets ça sur le même pied. Ah oui? Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu dis, ça, que l'argent et l'affectif, ça va ensemble. C'est parce que l'affectif absorbe l'argent. Plus une personne est émotive, plus elle consomme de la matière. C'est comme les sentiments, l'émotion, c'est l'antimatière. C'est une énergie d'antimatière. Tu sais, c'est une confiance basée sur l'espoir, sur on s'aime. Puis c'est beau dans les films, mais dans la vraie vie, là, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, dans les films, tu vois des gars, ils ont un 6 coups, ils viennent d'en tirer 10 coups, puis encore des balles dans le gun, puis ils pognent tout le temps. À chaque balle, il y a un gars qui a une balle dans le front, puis c'est toujours dans le front. On dirait que la balle les apparaît juste avant de tirer. T'sais, mais dans la vraie vie, tu demandes à un policier, êtes-vous si bon que ça quand vous tirez? Ils vont dire, c'est un film, hein, peut-être voir. Hein. Tu sais, quand tu as été tiré, comment c'est dur de placer une balle à 20 mètres, 30 mètres, imagine avec un pistolet. Ben, c'est des films qui te font voir les vies sur un angle qui n'est pas réel. Ben, quand tu es mental, tu es réalisateur, puis que dans le scénario, c'est marqué, vous allez faire une embardée avec une Rolls-Royce. Je te jure que le gars qui est sur la production, lui, il s'occupe de comment ça coûte le char qui va faire une embardée. Fait qu'il va peut-être te changer le Rolls-Royce pour une Chevrolet Malibu. Un petit peu moins cher. On pourrait-tu commencer par celle-là, juste voir si le gars fait des bonnes cascades? Tu sais? Okay. Parce que le gars, il est obligé d'être mental dans le film. Autre question? Encore du temps. Gênez-vous pas, hein? Ayez confiance. Affrontez votre survie à plein mort. Puis ça veut dire que plus une personne est intelligente, plus qu'elle fait de l'argent, c'est l'autre version, l'autre argent affectif, argent mental, Le pauvre est plus émotif. OK? Puis il a été perturbé, jeune, ou n'importe quoi. Puis l'autre, il est axé sur le profit. Donc, il ne regarde pas ça d'une façon sentimentale, la finance. Fait que les gens qui regardent ça d'une base, c'est une base émotionnelle, sont trop en demande. C'est de l'antimatière, l'émotion. Puis celui qui gère la finance, bien, il fout tout, qu'il garde un équilibre. Fait qu'il est obligé de traiter ça bien, bien froidement, bien mentalement. S'il ne fait pas ça, non seulement il va se déséquilibrer avec celui qui est déséquilibré, mais c'est parce qu'il va enchaîner d'autres gens. C'est comme un gars qui prend de la drogue, il emprunte. Ah, c'est un bon gars, il était avocat. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un problème, là, que c'est incurable. Là. Si on continue de l'aider, il va t'entraîner dans un chaos épouvantable. Ben là, tu es obligé de couper les vivres. Puis là, ben là, il capote. Puis, il rentre dans un chaos mental. Il a perdu son équilibre. Mais c'est parce qu'il y a des gens, à un moment donné, tu ne peux plus les aider. Pas possible. La révolte, Daniel, c'est-tu... dans le temps, on parlait de ça, je on disait choqué. C'est assez... Oui, ben c'est parce que révolter, ça ne change pas nécessairement quelque chose. Il faut que tu aies un plan. Se révolter sans plan, ça devient affectif. Ça devient l'aspect, on ne s'aime plus, là, on va se détruire. T'sais. Fait que ça tombe dans le jus de la vengeance, des règlements de compte avec ceux qui sont plus forts que toi, puis toutes ces choses-là. Mais moi, je ne vois pas rien sur la planète qui puisse accoter le mental, dans le sens que je l'explique, qui n'est pas une intelligence intellectuelle, qui est un senti organisé, qui te garde cohérent. Qui se sert de l'intellect? Mais l'intellect, c'est le versant le plus, on va dire, le plus rigide de l'émotion. Moi, l'intellect, je le mets dans le secteur émotionnel parce qu'il y a une réactivité dans l'intellect qui est émotive, qui est affective. Tandis que le mental que moi, je parle, c'est de la sensibilité, c'est-à-dire une capacité de perception, un peu comme une chauve-souris qui envoie un onde, puis qui est capable de capter l'onde qui revient. Ça demande une maudite sensibilité, pogner un cri de chauve-souris qui rebondit sur la forme, puis d'être capable de l'interpréter pour dire « Oups, il y a un arbre dans ce coin-là. » Donc, un être que moi, je qualifie de mental, c'est un être qui n'est pas affectif, mais qui est très sensible, qui voit plus clair, plus ajusté, plus précis que l'autre qui est affectif. Parce que l'autre, il est brouillé. Il est dans une confusion, puis il est sur le bord de la rébellion. Il établit toutes sortes de conditions, puis de chantage avec son environnement à cause de son affectivité. Il a tellement peur de l'avenir, il a tellement peur de perdre ses moyens, qu'il impose aux gens de le soutenir, puis de l'équilibrer. « Moi, me suicider si vous ne le faites pas. » Tu n'as pas ça avec un être mental. L'être mental, s'il sent que la mort va venir, il est capable de dealer avec. Point final. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rage ou de rébellion dans le sens émotionnel du terme. Il ne prend pas les autres comme étant autre chose qu'un obstacle dans leur vie. Là. Moi, je ne regarde pas les gens comme étant la faute de ce que je suis. Je regarde comme qu'est-ce que je fais pour m'organiser pour pouvoir vivre ça différemment si telle chose sortit. Tu sais, j'ai une de mes amies qui m'a laissé là, 30 ans, tabarnak. Elle ne m'a pas donné d'explication, rien. Ça s'appelle... Tu n'en as pas assez fait pour moi pour que je te donne le droit de t'expliquer pourquoi je me retire. Hey, je te dis que j'en ai-tu de la haine, tu penses? Mais pas contre la personne, contre tout ce qui a manipulé son mental pour en arriver là. C'est la manipulation globale que je trouve aberrant, là, qu'elle soit faite aspirer là-dedans. C'est hallucinant. Il faut faire attention de la révolte, de la manipulation qui se vit. Là, mais quand c'est affectif, c'est toujours dirigé vers une personne. Par rapport à la manipulation. C'est toujours par rapport à un événement manipulé par les forces. Mais il faut que tu regardes ça comme un message. Moi, peu importe l'individu, c'est toujours un messager. Il n'est pas propriétaire du message. Il est un véhicule d'un message. Bernard, ça est un véhicule d'un message. Ce n'est pas le gars qui est important, c'est le message. Il y a des gens qui donnent trop d'importance au personnage, mais qui oublie tous les jeux d'application de ce que sont le contenu du message. Ils vont manquer leur vie, ils vont faire une religion, au pire, ils vont faire une religion, ou ils se font une religion. Mais moi, j'ai bien aimé le gars, Mais j'ai bien plus apprécié de travailler avec le message. Beaucoup plus. Ça a amélioré toute l'astrologie que je faisais. Ça a amélioré ma lecture de la vie. C'est hallucinant. Le gars, je l'aime bien. Mais c'est pas lui qui est important, c'est le message. Comme moi, quand je vais crever, c'est pas moi qui parle, c'est ses idées qui est important. C'est d'expliquer le développement, d'expliquer la survie comme je le fais à soi. C'est ça qui est important. Mais Ménard, il est juste le facteur, là. T'sais, il est le gars qui livre la lettre. C'est pas moi qui l'ai faite, la lettre, là. Je fais juste l'amener à quelqu'un pour qu'elle ait, c'est tout. Puis c'est pareil pour n'importe qui ici, là. C'est jamais important plus que le message que vous livrez. Quand tu retiens une toune des Rolling Stones, c'est-tu les Rolling Stones? Ou c'est comment est-ce qu'ils jouaient leur musique? C'est comme Manny, tu ne sais pas son nom, mais tu es capable d'entendre la musique, puis tu dis, ah, ça, j'aime ça. C'est qui ça qui joue ça? C'est comme, Mike Jagger. Tu ne connais pas Mike Jagger, mais tu écoutes la musique. Il a simplement chanté quelque chose, c'est tout. Mais c'est pas lui qui est propriétaire du message. Il est simplement le véhicule, c'est tout. Des messagers. J'ai jamais dit que vous étiez des messages. J'ai toujours dit que le messager avait des lettres à livrer. Un gars qui fait de la musique, il livre quelque chose qui touche l'affectif. C'est sûr. Une petite question. Ah oui, donc? Ça, c'est difficile, parce qu'un message bien livré, c'est une lettre sur ton cœur. Elle est chaude quand elle est livrée. T'as transpiré en tabarnak, quand c'est pour mouiller la lettre. Mais ça sèche tout le temps, entre les mains de celui qui la reçoit. Parce que lui, il est obligé de l'ouvrir, puis il va laisser sécher la lettre jusqu'à temps qu'elle soit assez sec pour être ouvrable. Mais le messager qui livre un message qui... Que lui, c'est dur de livrer le message. Là. Il dit qu'il garde la lettre au chaud. Tu peux pas livrer ta lettre à n'importe qui. Il faut que la lettre soit reçue. En fait. Il faut que la lettre soit adressée. Hein? Ouais, okay. C'est ça. Moi, j'ai fou. Ma responsabilité, c'est lire l'adresse. Sans ça, je passe des pamphlets, moi, là. Tu sais, si j'adresse pas. Si la lettre n'est pas adressée, c'est un pamphlet publicitaire. Je donne ça à n'importe qui. Qu'est-ce qui fait que c'est adressé? Il y a une adresse dessus. C'est que la personne est capable de le recevoir. Et voilà! Parce que la publicité aussi, il y en a du monde qui peuvent le recevoir. T'sais, il y a 3 personnes qui étaient. On était 10, imagine. Il y avait 3 qui sont venus parce que c'était une curiosité sur Facebook. Hein? Quelque sorte. Curiosité sur Facebook. Curieux. Être au bon moment avec la bonne personne, puis prendre la bonne décision. C'était ça le sujet. C'est intriguant, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, ce gars-là, là-dessus? 40$ en plus, il dit que, hein, il en demande. C'est ça de la certitude. C'est de l'organisation. Tant que tu sais que tu es capable de t'organiser, pas de trop. 1h14.